On m'a dit que t'avais traîné dans des endroits pas très nets cette semaine, toi, non? Oui, alors, merci Léa. Non, je voudrais pas dénoncer. Oui, trop tard. Oui, cette semaine, je suis allé dans un club échangiste. Bon, Oui. Ah, mais c'est là qu'on s'est vu. Bon, je sais ce que vous allez me dire, vous allez jamais me croire, mais j'étais complètement à l'insu de mon plein gré. Hein. En fait, j'ai rencontré un copain que je n'avais pas vu depuis longtemps, trop longtemps manifestement, et il tient un club échangiste, le besoin de rien envie de toi, situé rue de la Pompe. Bon, il assume à fond le mec. Hein. C'est pour toi. Il m'amène à son bureau, et non pas sous son bureau. Là, on arrive devant une porte dérobée, toute grise, rien indiqué. Il y avait un code à faire et une caméra, comme ici finalement à la radio. Et là, je me suis dit, ah non, en fait, mon pote travaille pour Manuel Valls, c'est une couverture. Et après, je me suis dit, merde, c'est un piège, ils savent que j'ai grugé pour les impôts. Là, il m'ouvre la porte, je tombe nez à nez sur la secrétaire, et juste au-dessus d'elle, une pendule en forme de tub. Oh. La grande aiguille, la petite aiguille. La grande aiguille. Ah, pardon. Tout de suite compris qu'on n'était pas au trésor public. Là, mon pote me fait bah, viens, je vais te faire visiter. Hein. Normal pour lui, hein. Genre, il fait visiter son appart pour une vente. L'agent immobilier, le Stéphane Plaza du cul. Là, regarde, t'as un jacuzzi. Non, mais vas-y, approche. Hein. Je m'approche, hein, je tombe sur deux nanas et un mec complètement à poil qui se glisse dans le jacuzzi. Et là, bizarrement, le plus gêné, c'était moi. Ces trois personnes me regardent et ils me font un grand bonjour. J'étais dans un autre monde. Mon ami continue, il me fait là à l'étage, t'as les coins câlins, va les voir si tu veux, mais reste habillé, t'emmerde pas. Hein. Oui, merci, mais ça ira. Qu'est-ce que tu veux dire dans un moment pareil? Vous payez cher le loyer? Vous êtes au chauffage individuel ou collectif? Collectif, apparemment. Hein. Étonné, je dis à mon pote, mais t'étais dans les assurances avant? Il me fait oui, c'est vrai, je vais pas te mentir, j'ai deux trucs à te dire. Déjà, c'est un club échangiste. Oh! Sans déconner, c'est pas une boulangerie, même si la dame là-bas a de très belles miches. Oh là là, jolie. Et le deuxième truc, il me dit, ben voilà ta copine. Ah.